Exercice 5, page 31. A. Où étiez-vous cette nuit? B. Avec qui êtes-vous sorti? C. Qui avez-vous croisé? D. D'où êtes-vous parti? E. Comment êtes-vous rentré? F. Quand êtes-vous arrivé?